Et les lianes dans mon cœur, j'ai plus de douleur. Et les lianes dans tes bras, je prends de l'envol. Et les lianes dans mon âme, je ne sais me retenir. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane, la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. Du haut des cieux où tu t'étiens, quand je prends mon envol et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Liliane, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Dans mon âme, je ne sais me retenir. Oh, Eliane, dans tes bras, je prends de l'envol. Et la flamme de cet amour qui brûle dans moi plus haut. C'est pour toi, Eliane. Et la flamme de cet amour qui brûle dans moi plus haut. Plus haut. Liliane, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Et Liliane, dans mon âme, je ne sais me retenir. Et Liliane, dans tes bras, je prends de l'envol. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane.